gueule. Elle est tellement gentille que je fais bien des bisous. Mais non. Quand j'étais petit, j'étais déjà très énervé. Dans ces moments, j'aimais rester seul. Une chose est sûre, c'est que j'ai pas eu assez de fessées. En même temps, les enfants leur tapent pas sur la gueule. Mes parents tolérants, très gentils et très patients, dans ces moments me laissaient seul. Avec ma poupée, ma meilleure thérapie, ma pauvre poupée, ta gueule. Ma poupée, ta gueule, elle est tellement gentille que je lui ferai bien des bisous. Mais non. Ta gueule, elle est tellement gentille que je ferai bien des bisous. Mais non, je la nique, je la disloque, les cartels et la viole. Ma pauvre poupée de chiffon, c'était sa vocation de devenir une loque, à trop ramasser de mignons. Lors de ces crises de nerfs, on aurait pu me croire possédé par le malin. Oh, car ma poupée ta gueule passait de sale quart d'heure lorsqu'elle était entre mes mains. Ma poupée ta gueule, elle est tellement sympa que je lui baiserai bien les reins. Oh oui.